Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Gironde Analyse RIG 90.7 FM et RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 21h-23h. Et ça c'est bien. Et ça c'est bien. Pour débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux et ce week-end, l'actualité des Girondins de Bordeaux, c'est la courte, difficile mais précieuse, très précieuse victoire à Nantes dimanche à 15h à la Beaujoire. Un petit but à zéro dans un match. On va y revenir dans l'émission, plutôt pas jojo, chiant. Voire moche, voire chiant. Mais coach Gourvennec l'a dit sur la fin de saison, ça se joue surtout dans la tête plus que dans les jambes. Et on l'a vu dimanche après-midi, Bordeaux est vraiment allé chercher cette victoire au mental, à la tronche, plutôt qu'au football. Parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment sur la première heure, vraiment pas terrible. On va évidemment y avoir émission dans la première heure. On aura avec nous dans quelques instants, dans quelques minutes, le journaliste de West France qui était avec nous vendredi soir, Clément Pédron, qui nous parlera, qui nous donnera son avis de support, enfin de journaliste et supporter nantais sur ce match-là. On élira, vous élirez via Twitter le bon drôle et le bide du match. Vous pouvez aller voter. Il reste encore, je crois, une petite demi-heure et, pour l'un et 40 minutes pour l'autre. On aura un débat très simple, hein, que retenir justement de ce match à Nantes. Est-ce qu'il faut retenir le résultat ou est-ce que la manière est un petit peu plus inquiétante à la bord des 5-6 derniers matchs. On aura un coup de cœur et un coup de gueule de Marc, on va grouper les deux tout d'un coup, en espérant que ça parte pas autant en sucette que vendredi. Gourvennec a-t-il marqué son envie de recruter un arrière-gauche l'an prochain avec l'entrée de Gajic à gauche, puisque pendant le match, Contento, le pauvre, s'est blessé, il a eu une entorse. Tout le monde s'est dit, tiens, il y a Pelnard sur le banc, il va faire rentrer Pelnard. Pas du tout, c'est Gajic qui est rentré. Débat sur Nicolas Maurice-Belet, vous pouvez aller voter. Non, ça c'est clos par contre sur Twitter. Débat sur Nicolas Maurice-Belet. Maurice-Belet a-t-il un avenir à Bordeaux? Il était de retour dans le groupe. Un avenir au moins sur la fin de saison et peut-être pour l'année prochaine. On terminera par le traditionnel c'est Kiki. Un petit récapitulatif si on a le temps. Et puis voilà, on va démarrer comme ça. Avec moi ce soir dans le studio pour parler de tout ça, il est là. Hop là, sauf que le son est pas mis. Hop là. Ça va, Adrien? Ça va. Bien. T'as passé un bon week-end, t'as mangé plein de chocolat. J'ai bien mangé. Les cloches sont passées. Elles ont sonné. Elles vont bien. Le groupe vit bien. La cohésion, le grouille, c'est ça. Ouais, l'important, c'est les 3 points. Avec nous également Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Ça va, mon grand? Ça va, nickel toi. Bien. T'as, ouais, pareil, les cloches sont passées, t'as mangé du chocolat. Ouais, non, ça va, on fait attention quand même. Ouais, toi, faut que tu fais attention, non, pas de gras. Et voilà. Toi, t'es en foot sérieux, en mode sérieux. Bon, ça va, tu peux quand même faire un petit... Hein. Puis c'est bon, bref, on va pas revenir sur le repas du soir, mais... Si je commence à manger comme Cyril, je vais finir. Je suis désolé, manger du chocolat noir à 80% ou 70%, ça ne fait pas grossir. C'est vrai, c'est en manger tous les jours. Ce qui est problème, c'est manger du chocolat où il y a plus de sucre que de chocolat. C'est ça. Prenez du bon chocolat, sans le chocolat, genre vous ouvrez des œufs. Et Marc, on n'est pas sur conseilnutrition.com. Il faut un carré de chocolat et un verre de vin tous les jours. Alors, c'est ça. Le chocolat gourmand noir, croquant noir. De maman. Même 2 carrés de chocolat noir. C'est Cyril. Bon. De chocolat gourmand croquant. Avec nous également ce soir, il est venu, il est là. Il est où? Il est là. Ce cri, ça va Marco? Ça va. Pareil, les cloches sont passées. Ah, les cloches sont passées. T'as fait sonner les cloches. D'ailleurs, je suis en train de taguer Thomas sur des œufs de Pâques. Tiens, en parlant d'œufs, non, bref. Bon, j'allais dire. On va sortir de là. On va sortir de là par le haut. C'est le cas de le dire. Par la classe et par l'élégance. Par la traditionnelle question que personne ne se pose. Alors, messieurs, dames, je viens de réaliser que je manque à tous mes devoirs. On accueille également nos amis du chat. Bonsoir à vous, amis de chatter. Il y a Rico. Salut, Rico. Il y a Dexter. Il y a Sib. Salut à vous. Il y a BOZ. Il y a Ernouche. Il y a Malcominio. C'est Malcom, mais en petit. Il y a du monde. Bonsoir à vous. Bonsoir à ceux qui vont nous rejoindre également dans quelques instants. Vous pouvez appeler en direct si vous le souhaitez au 05 56 35 31 31, mais pas tout de suite parce qu'avant cela on va avoir le journaliste de West France dans quelques instants, on peut pas prendre deux personnes en même temps. La question que personne ne se pose du soir, vous avez jusqu'à 23h pour voter. Elle concerne les propos de Younous Sankaré à la mi-temps du match. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, c'est quand même assez magnifique. Ou en gros le journaliste lui dit... Ah bah on a perdu Marc, on a perdu Meillet, on a perdu tout le monde là. Ou en gros le journaliste lui dit bon bah alors première mi-temps pas terrible hein, Bordeaux, le mec il dit non mais c'était nul, il cherchait même pas, c'était nul, c'était apparemment c'était nul, nul de nul. Et franchement moi il m'a... Et il a joint les actes à la parole puisque c'est lui qui marque le but. Donc à la place de Sankaré, qu'aurait dit un adepte de la langue de bois à la mi-temps du match d'hier? C'est vrai que les interviews de joueurs à la mi-temps ou à la fin de match, on regrette un peu, c'est souvent assez langue de bois. Le traditionnel, oui, on était bien en place, on fait ce qu'on avait dit, blablabla. Il a même dit, Sankaré, il a dit, non mais je vais pas vous faire genre, on avait mis ça, on a mis ça, c'était nul. Alors un adepte de la langue de bois, il aurait dit quoi à la place de Sankaré? Il aurait dit, on a la pression, c'est un derby, on est devant un stade très hostile, voilà. Il aurait pu dire aussi, un adepte de la langue de bois, bah, c'est car on est fatigué, le 11 type joue non-stop, les entraînements sont très durs, donc voilà, en plus il fait chaud, il fait beau, bref. On a deux autres propositions, il aurait pu dire aussi, c'est à cause de la chaleur, hein, on ne s'y attendait pas, le soleil nous gêne, oui parce qu'il y avait beaucoup de soleil. Ou alors il aurait pu dire, bah, on est bien en place défensivement, il faut juste avoir plus de réussite devant le but. Voilà, donc le bouton rouge Adrien. Voilà, et voilà. Voilà, donc vous pouvez voter jusqu'à 23h. Je donnerai les résultats avant ou après le C'est qui, ça dépend, via la page Facebook de l'émission, le site G33. Et pour les... Vous cliquez sur la petite brève qui correspond à la question. Et pour les amis du chat, c'est toujours pareil, sur le petit onglet gris en haut à droite, la QQPNSP. De toute façon, maintenant, il n'y en a plus qu'un. Vous donnez votre avis et on donne la réponse à la fin de l'émission. Messieurs, on va attaquer le débrief. Je coupe cette petite musique, voilà. On va attaquer le débrief du match avec tout de suite au téléphone, on va accueillir Clément. Bonsoir Clément Perron. Bonsoir à tous. Journaliste à West France. On était avec toi vendredi, oui c'est ça, on est lundi, vendredi soir pour l'avant-match. J'ai une petite boutade pour notre... Ça y est, ça va commencer à changer. Allez, on change. Allez, ça commence. Pas de chronique de pronostic sur West France. Non, j'avais juste dit à l'émission de demain, mais... J'ai pas été bon là-dessus. Ouais, non, c'était juste la petite pique que je voulais faire. J'avais pensé la... Je me rappelle même plus des pronoms. Moi, je crois que j'avais donné un partout. Il y a qu'Alexis qui a donné. Vous, vous êtes enflammé sur des deux. Clément, il avait dit 2-1 pour Nantes. Moi, j'avais dit que c'était serré. Je te dis 1-0 ou 2-0. T'enflamme pas. Je t'ai dit que ça serait un match serré. Mais que je nous voyais gagner. C'est tout. Bon, on a eu des 4-3, des 3-1. C'est pas vrai, j'avais dit ça. De toute façon, venant de la part d'Adrien, ça m'étonne même plus. Non, Alexis, c'était un peu chauffé. 1-0, tout pourri. Ah, c'est bon gars. Alors, avant de rentrer plus en détail dans l'analyse de ce match, je vais juste vous donner quand même 2-3 petites stats rapides. Vous allez voir quand même que c'était pas c'était vraiment pas la folie, que ce soit côté bordelais ou côté nantais. La possession, elle est bordelaise, hein, 52-48. Bon, les tirs, à la limite, le nombre de tirs, ça, bon, 10 pour une équipe pour Nantes à domicile, c'est un peu faible. 12 pour Bordeaux, ça va. Par contre, les tirs cadrés, 5 seulement pour Bordeaux, dont 2 sur la même action quasiment en fin de première mi-temps, plus le but, et 0 pour Nantes. Ça veut dire que ma petite nièce de 3 ans que j'embrasse, elle aurait été dans les buts hier après-midi, dans les buts bordelais, bah elle prenait pas de but. C'est un peu, voilà, pour une équipe qui joue à domicile, c'est un petit peu embêtant. Clément, ce match, tu l'as vécu comment? C'était quand même pas... La première heure, jusqu'à que Bordeaux ouvre le score, c'est quand même pas la folie. Après, ça s'est un petit peu débridé, mais bon... C'était... Oh non, c'était nul, clairement. je l'ai vécu des tribunes, on s'est fait chier, mais même tout le match, hein, clairement, moi j'ai pas du tout apprécié. Ouais, bon, j'ai eu des échos de ceux qui l'ont vu à la télé. Non, ils m'ont dit techniquement, physiquement, c'était quand même très pauvre, très très pauvre. Et puis bon, à la fin, 1-0, forcément, on n'est pas très très content de Nantes, mais non, vu de la télé comme du terrain, non, ça, c'était pas un très très grand match. Tu as un déchet technique des deux côtés. Oh là là, ça fait longtemps que perso, j'avais pas vu Bordeaux perdre autant de ballons sur des équipes ont pensé à une bataille physique Tu sentais réellement que Nantes ne voulait surtout pas que Bordeaux s'installe et que et voulait absolument éviter que Malcolm ou Camano puissent avoir le ballon dans le sens du jeu. Donc il y a eu un très très gros pressing qui a été fait de la part des Nantais, surtout sur les côtés. C'est ça qui m'a le plus frappé, c'est que Bordeaux, on le voit, joue en écartant rapidement avec Vada. Et Vada jouait très bas parce qu'il avait quasiment un ou deux joueurs sur lui. Et les deux latéraux étaient tout le temps au pressing, tout le temps sur nos ailiers. Donc Bordeaux a eu énormément de mal dans cette transmission, a perdu énormément de ballons sous le pressing nantais. Et j'ai trouvé Nantes un petit peu dans la précipitation au moment d'aller conclure, et en empêchant dans les 30 derniers mètres. Ça, c'est à peu près la physionomie du début du match jusqu'à la 35e, où Nantes baisse un peu le pied. On sent qu'ils ont besoin de la mi-temps et où Camano a une occasion qu'il a juste pas le droit de tirer comme ça. Et ça fait dommage. Il a place après le défenseur. Il a place, mais il doit tirer plus fort. Il finit passe au gardien. Donc moi, ça fait deux matchs où Camano est pas trop dedans et où derrière on a un corner et où la barre fait une tête et où le gardien nantais l'absorbe magnifiquement. Oui. Ça se passe comme ça sur la première mi-temps. Il y a le retour au second où Bordeaux décide de jouer. Un peu plus haut, et c'est surtout c'est pas Bordeaux qui change la physionomie de la seconde période, c'est surtout Nantes qui n'arrive pas à retrouver de souffle et qui subit. Et à partir du moment où ils prennent le but, d'ailleurs, ils le prennent sur le joueur tarde un peu, mais sur la récupération de Vada, il tarde un peu. C'est pas la première fois que Bordeaux marque des buts sur des pressings très hauts au milieu de terrain contre Montpellier, on l'a vu contre Metz. Tu le vois que c'est un débat. T'as Contento qui sort sur blessure, Palois et Leschou qui sont mis du bois tout le match. Le pauvre Nakulma, il a pris, mais alors. Les Nantais, c'était pas facile. Il a pris très très cher, le pauvre Nakulma. Oh la vache, il a dû bien dormir le pauvre le soir parce qu'il a. Il a même Palois, honnêtement, sur le carton, je sais pas du stade, Clément, comment tu l'as vécu, mais la faute où il prend le jaune, Palois. Palois, il l'a déchiré. Depuis ma télé, je me dis si l'arbitre il va le voir. J'espérais qu'une chose, c'était que Nakulma il sort pas. Parce que s'il sort blessé, c'est rouge, direct. Il y a même pas de discussion. Il est gaillard quand même, le gamin. Je sais pas quel âge il a. Il est jeune, hein, ou pas, Nakulma. Je sais pas quel âge il a. Mais... Nakulma, il a 30 ans. Ah bon ? Oh la vache, il a une tête de jeune. Ah ouais, 30 ans. Ça, c'est la carte d'identité, mais réellement. Non, mais il a pris. Mais est-ce que c'était pas aussi. Ce qu'on attendait, tu sais que Salah et Nakulma, à l'image un peu d'un Cheikh Diabaté comme il y avait à Metz, c'est des joueurs qui pèsent énormément sur une défense. Bah, est-ce qu'il fallait pas aussi un petit peu leur rentrer un peu dedans pour leur montrer que ça allait être rude pour eux, compliqué. Salah a été totalement muselé par la charnière centrale. Comment t'expliques la baisse de régime de Nantes ? Tout simplement par un des baromètres de Nantes, c'est Valentin Rongier. Voilà, donc ce mec-là, comme je disais vendredi, c'est le baromètre de Nantes. S'il est bon, généralement, c'est-à-dire que l'équipe tourne aussi. Et là, en fait, donc il sort sur blessure. Alors, il a dit qu'il avait une petite gêne au niveau de la cuisse. Et qu'il l'avait déjà avant le match. Et en fait, donc voilà, il sort à la mi-temps. Et là, je sais pas pourquoi, c'est Abdoulaye Touré qui prend sa place, mais donc t'enlèves Rongier, et là voilà, donc on a du mal à porter le jeu. C'est justement ce qui m'a étonné sur ce match de Nantes, c'est que j'ai pas trouvé Nantes fabuleux dans le jeu. Je les ai trouvés très forts dans le pressing, dans le replacement, dans la hargne, plus que dans le fait de construire des actions. Bordeaux relançait n'importe comment. Et justement, à chaque fois que Bordeaux relançait n'importe comment, Nantes a jamais réussi. Il y avait personne sur les deuxièmes ballons. Une occasion, quoi. Non, Bordeaux, c'est très dur. Quoi. Bah, ou alors, je suis peut-être très dur. Ça c'est peut-être un autre point. Et parce que je regarde pas Nantes sur une évolution, je regarde Nantes juste sur ce match-là. Moi, ce qui m'a frappé, c'est surtout ça. C'est une fois que Nantes avait le ballon. Il y a eu très peu d'occasions très franches. Au final, si on doit vraiment sortir des occasions très franches, il y en a une en première mi-temps pour Nantes. C'est la seule que j'ai à peu près en tête. Non, c'est Pardot en deuxième mi-temps là, quand il dribble Carasso. Et après celle-là, mais j'en ai que deux. Alors que j'en ai plus côté bordelais. Alors que j'ai trouvé Bordeaux en deçà de ce que Bordeaux doit et devrait faire. Donc c'est pour ça que je suis peut-être dur, mais j'essaye de me dire, voilà, Nantes, pour moi, j'ai considéré sur ce match-là candidat à l'Europe. C'est comme S'ils gagnaient, ça pouvait être pas mal pour eux. Ouais. C'était ça. Oui, non, mais ouais, et c'est vrai, et dans les 30 derniers matchs, je me suis dit, ah, il manque quelque chose. Et j'ai trouvé ça dommage parce qu'au final, on s'apercevait que tactiquement l'équipe roulait assez bien. Ouais, mais voilà, après. Bon, ça là, ça a été compliqué. Nakulma, il s'est empêtré des fois dans des raids solitaires. Il s'est crevé tout seul à aller essayer de presser. Et forcément, quand t'es tout seul, bah, c'est dur et généralement, ça marche pas du tout. Et non, là, c'est vrai que sur ce match, ils n'ont pas réussi à porter le ballon bien vers l'avant. Et puis vraiment, c'est là. Pour moi, c'est Rongé. C'est la sortie de Rongé déjà qui a mis en difficulté Nantes. Et bon, après, voilà, les Kacenčić et Thomasson généralement aident sur les côtés à porter un peu le danger. Bon là c'était plus compliqué. Peut-être physiquement c'était plus dur. Mais on a senti que ils étaient assez en difficulté. Et puis bon après voilà la l'entrée de Touré, bon je sais pas ce qu'il fait. Il dribblait, on le sait, dribbler, essayer de dribbler des adversaires dans sa partie de terrain, bah forcément c'est compliqué. Cache. Mmh. Surtout qu'il arrive, puis, il a face à lui Vada qui arrive plein badin, il y a Toulalan, il y a Camano sur un côté, il y a Laborde devant, il est cerné par 4 mecs. Il est cerné et je comprends pas. Alors soit on lui dit pas que ça vient et là c'est dommage. Mais auquel cas tu la mets derrière ton gardien ou je sais, tu essayes de trouver une solution, mais tu dribbles pas comme ça, c'est pas possible. Il a fait une erreur. J'arrive pas à comprendre. Il a fait une erreur. Je pense que au niveau de son placement, en fait, il n'a pas regardé avant où étaient placés ses coéquipiers. Ce qui fait qu'il était déstabilisé dans son positionnement. Du coup, quand le pressing bordelais il s'est amorcé, forcément qu'il s'est retourné vers son gardien. Et là, c'est trop tard. Là, c'est trop tard. Parce que t'as déjà deux mecs derrière, tu vois que c'est mort. Et après, voilà, c'est une faute professionnelle. Mais... Après, là, au moment où il veut faire la passe, parce qu'au moment où il trouve aussi une disponibilité. C'est là où Valentin Vada lui récupère le ballon. Bien sûr. Il a. Après, il est pas fait le but quand même parce qu'il va se le chercher. Enfin, alors, tu sais quoi, le but est pas fait non plus. L'action là. Est vachement mal jouée là par Bordeaux. Moi, je trouve l'action vachement mal jouée parce que c'est pas à Sankara. Oui, il doit décaler à gauche. Non, mais c'est surtout pas à Sankara, tu dois faire la passe. Tu dois la faire 3 secondes plus tôt et tu dois la faire à Vada. C'est Vada qui te fait l'appel sur le côté gauche qui crée réellement une disponibilité. Il tarde, l'appel est fini et comme il doit la donner, donc il la donne à Sankara, mais Sankara il a un mètre de lui, ça change rien. Le but c'est un coup il balance de chance, une vieille frappe, ça passe sous les jambes en plus le problème c'est que sous les jambes à Dupé et en plus le gardien il se couche. Enfin, je comprends jamais, c'est sorti. Ouais, c'est bizarre. En levant son pied, la balle lui passe sous le pied, c'est-à-dire qu'il met le pied par terre. Donc c'est un coup de chance. Je trouve l'action vachement mal jouée de la part de Camano. Mais par contre, tu vois, on parlait de l'absence. J'ai oublié le nom du Nantais. Valentin Rongier. Tu vois que quand Valentin Vada, encore une fois, a pas été très présent dans l'organisation parce qu'on a eu du mal à le trouver. Valentine, comme ils ont dit à la télé. Voilà, tu t'es rappelé Valentine tout le match. Quoi. T'avais du mal à le trouver et les Nantais étaient bien positionnés et nous pressaient bien. Mais c'est quand même lui derrière, au final, qui récupère un ballon haut. Dans une zone limite impossible. Tu te souviens toi le but qu'on marque dernièrement avec le décalage de la borde justement pour Valentin Vada. Valentin Vada est aussi à la récupération. Donc il a su se trouver Valentin a su se trouver encore décisif dans une partie du jeu quand Bordeaux n'avait pas le ballon, et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est qu'il n'est pas décisif que quand il a le ballon. Et on a vu que le jeu bordelais s'en est senti de l'absence de jeu de Vada. Alors, Adrien, juste, t'inquiète, je vais te donner la parole, mais juste avant, je viens de m'apercevoir, il y a une stat que je viens de regarder, parce que j'ai les stats des joueurs, joueur par joueur, sur les deux équipes. On parlait tout à l'heure de déchets et de pauvreté de technique dans le match. C'est pas compliqué, sur les 22 joueurs, plus les remplaçants, donc ça fait en tout peut-être 25 ou je sais pas combien qui sont rentrés, il n'y en a que 3. Un côté nantais, c'est Guillaume Gillet, et 3 et 4 pardon, et 3 côté bordelais, c'est Levchuk, Palois et Toulalan, qui n'ont gagné plus de ballons qu'ils n'en ont perdu. Sinon tous les autres, c'est quasiment du simple au double, enfin c'est flippant. Ça fait peur. Adrien, sur le match après, c'est Bordeaux qui a un peu rendu le match comment chiant. Dire ah, oui, non, mais c'est, oui, c'est ça. C'est parce que Nantes débute pas trop mal. Ils mettent de l'envie, ils mettent de l'agressivité. Je disais qu'on risque de voir peut-être un match comme. Ou une partie du match comme Lyon ou Monaco, c'est ce qu'a fait Bordeaux. Bordeaux s'est dit, bon, ben, on va, si Nantes presse, ben, on va rester bien groupé. On arrive à faire ça. Le problème, la différence avec le match de Lyon, c'est qu'à Lyon, on avait réussi à être efficace en contre, ou au moins se créer des occasions. Là, on en a eu moins. Mais finalement... Nantes a buté là où Lyon a aussi eu des difficultés et où Monaco a failli en avoir, mais grâce à leur talent notamment individuel s'en sont sortis. C'est que dans les 30 derniers mètres, comparé à l'an dernier, Bordeaux c'est hermétique quand ils décident de défendre groupé et tout ça, et que c'est bien organisé. Bah, surtout, j'ai l'impression qu'après le but, en fait, la dernière demi-heure, une fois que Bordeaux a ouvert le score, les Nantais, alors je sais pas pourquoi, il y avait que 1-0, je les ai sentis complètement, limite résignés, quoi. C'est-à-dire que ça faisait un peu n'importe quoi, ça balançait non, devant. Mais c'est ça... l'avantage de ce système et de cette volonté, c'est quand tu t'es sérieux et que derrière t'arrives à être efficace, mais l'équipe adverse commence à douter, t'es à la 65e. T'as le temps. Hein. Et après, tu dois te livrer un peu plus, donc tu vas être soumis à quelques contres et tout ça. Voilà, c'est ce qu'on pourrait ressortir de positif de Bordeaux, c'est que maintenant on sait très bien que face à de grosses équipes ou des équipes qui jouent bien, surtout en 2017, ce qui est le cas de Nantes, Bordeaux va être une équipe qui va être bien regroupée et grâce à des joueurs comme Malcolm et Camano. Sauf que là, ça n'a pas été le cas, finalement. Même si c'est eux qui ressortent le ballon, on peut piquer en attaque. Clément, moi, il y a un truc qui m'a quand même un petit peu marqué, parce que j'ai vu quand même pas mal de matchs de Nantes cette année. Il n'y avait pas cette hargne, il n'y avait pas cette espèce de... Alors, j'appelle ça moi, comme les morpions, t'sais, des mecs qui s'accrochent, parce qu'au final, il n'y a que 1-0. Et on a vu Nantes plusieurs fois être mené 1-0 dans des matchs où demain, où... Et jusqu'à la fin, les mecs s'arrachaient, tu vois. Et il n'y avait pas sur ce match-là, j'ai pas retrouvé cette espèce de hargne que Conseil de Sao. J'ai l'impression que je disais tout à l'heure que je les ai trouvés cuits. C'est que la sortie de leur meneur de jeu, si on peut dire ça comme ça, pour moi, ça t'explique ton rendement offensif, mais pas ton pressing. Franchement, qui à 1-0 s'est dit en fin de match qu'on allait prendre un but? Il y a eu ce face-à-face. Ah oui, la dernière demi-heure, où ils ont quelque chose à jouer, mais. La dernière demi-heure, franchement, t'es Bordeaux, t'es. Bon, je t'avoue que j'étais un peu stressé quand même. Non, stressé quand même. Hein. Mais bon, allez. Stressé, mais pas trop. Oui, mais on stressait. Alors, perso, moi, je stressais pas par Nantes, pas par rapport à Nantes, je stressais par rapport à nous. Parce qu'on sait que Bordeaux, on est capable aussi, par moment, on l'a vu plusieurs fois cette année, on s'est fait rattraper, je crois que c'était à Guingamp, ou à, je sais pas trop, à la dernière seconde, bon, tu te dis, à tout moment, on peut se foirer. Bon, en l'occurrence, ça l'a c'est pas Bordeaux. Fait. Non, mais il y avait ce, je sais pas, Clément, depuis le stade, alors après, toi, tu l'as peut-être ressenti différemment. Est-ce que dans le stade, ça donnait cette impression qu'on avait, nous, derrière notre télé, c'est-à-dire que... Il y avait un engouement à la fin du match. Ouais, c'était dur. Enfin, on est allé dans l'optique, pas forcément de... Bon, essayer de poursuivre notre série, mais là, on se sentait. Si je mettrais peut-être ça sous le compte de la fatigue, bon, pas avec tous les bons matchs qu'on a joués, mais là, effectivement, là, bon, t'as ronché, bon, un de tes meilleurs joueurs qui sort à la mi-temps, et là, tu fais rentrer Harit, Prado, bon, qui n'ont pas été, à part si Prado qui a eu son action là, mais sinon ça a été compliqué. Nous, des tribunes, bon, forcément, j'en avais parlé vendredi, il y avait un des porte-parole de la Brigade Loire qui était un pays de stade, donc il n'était pas là, donc c'est compliqué. Il y a eu une grève, non, en début de match, parce qu'on les a pas entendus pendant 10 minutes. Ouais, donc c'est normal. En fait, il y avait un tract donc qui a été blessé au niveau des tribunes et donc de la tribune noire, où qui a été marqué donc les revendications et c'est inscrit que les 10 premières minutes aucun chant ni rien, donc on devait rien faire en fait. Et c'est après les 10 minutes passées, donc voilà, où ça a commencé à reprendre et puis là où il y a eu les fumigènes, mais non, c'est compliqué. c'est compliqué parce que quand t'as trois personnes, bon là ils étaient trois à essayer de lancer les chants sans mégaphone, donc nous de notre côté, bon bah on sait pas trop quel chant faut faire, on commence en retard, donc voilà, l'effet n'est pas le même, et donc après sur le terrain, bon c'est t'as le physique qui est un peu compliqué, tes remplaçants qui font pas une rentrée qui font pas la rentrée qu'ils devraient faire, parce que certains ont des points quand même à prendre. Et au final, le petit Pardo a beaucoup tenté, je trouve, mais bon, il était un petit peu seul, quoi. Au final, vous... Oui. Vous risquez de faire la grève pendant 3 matchs de plus. Alors, juste... Je pense que si tu parles de... Sur l'info qui est donnée par BFM et RMC... Ouais, quand je parle de 3 matchs de plus, c'est que je sous-entends... Ah, que... j'avais compris 3 mois, c'est pour ça que je comprenais pas. 3 matchs de plus, ouais. Parce que la tribune Loire risque de fermer pendant 3 matchs. Suite au fumigène qui a été lancé au pied, enfin, alors, au pied, ouais, pas loin de... Hashtag bureau pour celui qui a jeté ça, quand même, au final. Hein. La tribune Loire était sous... est toujours, donc... sous un sursis de 3 matchs. Et donc voilà, donc là ça a été lancé, donc c'est sans doute que le sursis va être levé. Donc est-ce qu'ils vont faire sur la réception de Lorient Guingamp et puis le premier match à la maison la saison prochaine, je sais pas. Sans doute, hein, mais 2 fumigènes, 3 fumigènes, 4, 5. Bon, moi j'en ai vu qu'un à la télé. Ah ouais, mais je te dis, il y a eu 5 fumigènes qui ont été jetés sur la pelouse. Ouais, mais alors après ça c'est toujours pareil, Clément, tu vas peut-être pouvoir nous renseigner mieux, mais c'est pareil. Il faut replacer aussi dans le contexte, comme à Bastia, on va pas revenir, mais voilà, comme ce qui s'est passé à Bastia, les supporters qui font ça, déjà, premièrement, blessés ou touchés Carasso, je pense pas. Non, il l'a dit, Carasso l'a dit, voilà. Je sais pas si vous avez vu, il a dit qu'il se sentait pas en insécurité, il l'a dit hein, au micro, je savais que c'était pas contre moi. Donc c'est pour ça qu'il a dit je me sentais pas en danger. Je savais que c'était pas contre moi, mais bon forcément bon bah, ça arrive sur la. C'est toujours en rapport avec le conflit entre la BL et la Brigade Loire et le club. Je suis désolé quand tu vois quand ils lancent les films. Enfin, mais je suis. Bon, après il y a des caméras, ceux qui ont fait ça, ils seront attrapés, ils prendront des IDS et puis voilà. Non mais le problème c'est que les IDS normalement c'est pour tous ceux qui allument des fumées puisque soit dans la loi, mais là le problème c'est que vu la fumée qu'il y a, la caméra je peux t'assurer qu'elle n'aura vu personne, et vu la fumée qu'il y a, je peux t'assurer surtout qu'ils savent pas sur qui ils lancent. T'as des photographes, t'as des stadiers en train de ramasser les fumigènes. Sur la vidéo je vous l'ai partagée sur le compte de Géa, les mecs sont en train de ramasser les fumigènes, ils sont à deux doigts de s'en prendre un autre sur la tronche. Je veux dire, un fumigène, moi je suis pour que ça soit en tribune. De préférence, je préférerais que ça soit encadré, etc. Encadré, oui, et qu'on aille vers quelque chose de responsable. Mais enfin, là, c'est totalement. C'est pas responsable. J'ai envie de dire, là au final, c'est pas un abruti, c'est 5 abrutis. Ça commence à faire beaucoup, je veux dire. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, parce que généralement, quand t'as un abruti et que tu gères ta tribune, tu l'attrapes, tu le dégages du virage. Là, ça commence à faire 5. Je pense que personne n'a vu qui avait jeté. J'ai envie de dire, on fait. Je vais être cru et peut-être méchant. Bah, attention, mais la Brigade Loire, tremblé. Tu fais pas une animation avec des fumigènes, même si c'est pour protester, quand t'arrives pas à tenir tes mecs, quoi. Oui, non, mais ça. Mais bon, c'est l'une des premières fois. Non, mais faut arriver. Non, mais le problème, c'est que tu peux pas. Quand ta tribune, elle est sur un sursis, qu'au final, les ultramarines ont été interdits de déplacement parce que la préfecture n'arrive pas à gérer les montées. Non, mais Marc, ils sont en conflit ouvert avec Kita et Clément, tu pourras. Ça fait pas 6 mois, ça fait des années. Mais il y a des années, mais sois intelligent. Tu penses réellement que tu défends ta cause en faisant ça? Mais t'es un idiot quand tu fais ça. Mais j'ai une question. Est-ce que moi je suis désolé, je les aime bien les Nantais. Enfin, j'ai aucun problème contre la Brigade Loire. Mais mec, vous défendez pas votre cause, vous enterrez vous-même. Mais après j'ai une question à poser vu que ils avaient eu des problèmes. Mais est-ce que finalement c'est pas un groupe qui fout le bordel comme et c'était ce groupe qui avait été notamment dans la tribune présidentielle, c'est ça? Pour qu'il y a qu'un groupe à Nantes. Alors, n'est pas le seul cas. Et bon, pour répondre à la question, au niveau des intrusions donc en tribune présidentielle, ça n'a pas l'enquête pour l'instant est toujours en cours et Romain Godin donc le porte-parole avait dit que pour l'instant non aucun loi n'a été justement n'a investi donc la tribune. Après l'enquête est toujours en cours donc on sait pas. Après forcément là la manière de faire laisse peut-être à désirer parce qu'il marque pas forcément des points. En faisant ça, c'est même tout le contraire. Donc non, c'était tout de même bizarre en tribune. C'est sûr que là, la brigade, c'est compliqué de retisser des liens, on va dire. Bon, au final, il y a pas eu de. Peut-être, je te trouve quand même très très gentil. Il y a pas eu de blessés, il y a pas eu de. Mais quelle est la parce qu'on entend beaucoup, le point de vue des supporters et de l'ABL. On n'entend pas trop Kita sur ça. On l'entend pas trop. Alors peut-être qu'il s'exprime dans les médias, peut-être un peu plus chez vous, enfin locaux. Non. Mais on l'entend pas du tout. Il est ouvert à une discussion. Non, rien du tout. Il est c'est fermé. Et d'ailleurs, il avait nommé une personne qui était censée en fait faire l'intermédiaire entre les supporters et puis on va dire la direction, qui au final ne servait à rien. Et puis on a bien vu de toute façon le dialogue n'est pas passé et de toute façon, je pense pas me tromper, mais ne passera pas de toute façon avec cette direction-là. Sauf cataclysme, mais c'est, on sent, même avec le petit renouveau qu'on avait ressenti avant le match de Gambardella, on sentait en fait que ça allait jamais revenir à 100%, et là, dans l'état actuel des choses, on n'est pas prêt de revenir avec vraiment des mégaphones, des estrades, des tambours, du moins en tout cas pas sous cette direction-là, et pour l'instant Kita n'a pas l'air de vouloir lâcher le club. Après... et donc en fait chacun reste sur ses positions et donc on va pas avancer quoi. Après faut aussi quand même préciser que hormis ce regrettable incident où effectivement 3-4 torches ont été balancées sur la pelouse, tout le reste du match, ouais, 5 si tu veux, mais je veux dire tout le reste du match, c'est-à-dire les 2h ou 2h30 grosso modo si on compte l'avant-match, la mi-temps, l'après-match et tout ça, ça s'est très bien passé, enfin du moins de ce qu'on a vu nous à la télé, il n'y a pas eu de problème. Stéphane Martin. Si, il y a eu des Kita en nanana, mais. Oui, non, mais ça va mieux. Ça, c'est coutume, ça, la Beaujoire. Mais ça, voilà, c'est folklore. Mais Stéphane Martin l'a dit, il l'a précisé après, on l'a interrogé sur le cas de Bastia, il a dit, oui, enfin là, Nantes, c'est totalement différent. Non, mais... c'est, le joueur n'était pas visé, voilà, c'est des. Enfin, comme il dit Marc, le joueur n'est peut-être pas visé, non, mais quand tu balances... Mais bon, après, là, tu vois, t'avais des stadiers qui ramassaient les fumigènes. Si t'étais à Bastia, ils auraient jeté les fumigènes. Ah ouais, ils les auraient renvoyés direct. Ouais. Non, mais enfin bref, oui, c'est vrai qu'on a vécu un week-end, une semaine même entre Dortmund, et Lyon, et encore, Bastia. Ça n'a pas été trop dit, mais en Argentine, il y a aussi encore un autre accident. L'Argentine, j'ai envie de te dire, c'est tous les week-ends et c'est là, c'est un mec qui a été balancé d'une tribune et qui est dans un coma mort cérébral. C'est malheureusement limite la norme en Argentine. Bref, pour en revenir au match quand même un petit peu, oui. Marco. Non, mais c'est pas Thomas. Moi, ce qui est plaisant, c'est de retrouver une équipe de Nantes qui sera ambitieuse. Voilà, elle est dans la dynamique de cette Liga où on a de plus en plus d'équipes qui sont intéressantes. Et franchement, vivement la saison prochaine pour voir si, comme il a été dit, il y aura des investissements et tout ça. Jérémy nous dit sur le hashtag DIRGA, Carrasco n'est pas visé, mais s'il est blessé sur le coup, c'est un peu idiot. Bah oui, c'est ça. Carrasco, c'est pas juste de balancer. Ah bah excusez-nous, on le visait pas. Oui, enfin, il a pris sur la gueule quand même. Bon, on a les résultats du sondage sur la question qu'on avait posée sur Twitter. Marc, que retenir parce que moi, je oui, l'ai pas. Tu veux les petites réponses. Bah oui, parce que moi, je l'ai pas du tout en fait. Je vais te les donner. Tu me parles du bon drôle, bien évidemment, ce genre de choses. Hein, bah que retenez-vous du match à Nantes? Je commençais par ça parce que je savais pas si c'était fini les autres. Non, au final on n'a pas eu trop de réponses. On en a eu une de Jérémy qui nous disait grâce au pressing nantais, Bordeaux n'a pas pu jouer son football. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, où on disait que Bordeaux en avait chié, pour rester poli. On a tout à l'heure Cyprien de la Tribune Gold qui sur le chat nous disait Il revenait sur le tac de Palois en nous disant que attention à la commission de visionnage qui n'existerait plus, soi-disant. C'est vrai que ce tac, il est quand même sacrément dégueulasse. La LFP vienne jeudi. C'est vrai qu'il est vilain. Bon, après, je pense pas que les Nantais aient posé quoi que ce soit. De toute façon, il y a eu sanction avec un jeune, donc je pense qu'il n'y aura pas de retour sur la faute. Par contre, ça serait une bonne idée pour lui de prendre un jeune contre Bastia pour être là pour Marseille. Ça serait pas alors, voilà, c'est ça. C'est si Palois prend un jeune contre Bastia, il rate Sainté, mais il est là pour Marseille. Alors, je crois qu'il rate Sainté, mais il sera là contre Angers. Parce que je crois qu'il faut. Il y a. Il y a Angers. 48 heures, il y a une carrière comme ça. Ah, oui. Ah bon ? Angers ou Dijon ? Dijon. Dijon, oui. Dijon, oui, je me trompe deux fois. Bon, et ceci dit, prendre un jeune contre Bastia, ça peut. Oui, mais il se chauffe un peu avec Crivelli, avec Cahuzac, avec machin. Il y a Brick et Carras 33 revenez sur la Brigade Loire. Oui. Carras 33 nous dit je trouve la tribune Loire bien dans les animations. Et Brick disait mais là ils ont plus le droit, le club les censure. Donc c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Pour l'élection de nos différents sondages de la soirée. Puisqu'on a élu le banderole, etc. On a aussi posé une question un peu plus généraliste. Non, un petit peu plus coquine, on va dire. Ah bon? Que je dirais tout à l'heure. Un petit peu une question que personne ne se pose, mais sur le match vraiment précis qu'on a juste posé sur Twitter pour s'amuser. Donc, juste, on parlait du banderole. On a Leschouk qui est dernier. Alors, avec 4% explique quand même pour Clément qui. Ah oui. Alors, le banderole, c'est. En fait, à chaque fin de match, tous les animateurs notent les joueurs, on fait les moyennes. Et on prend les 4 meilleurs pour faire le bon drôle, et puisque drôle c'est un petit mot de Bordeaux, et on fait le bid avec les 4 plus mauvais, sauf que pour faire un bon drôle ou un bid, il faut au moins que le joueur ait plus de 5,5 ou moins 4,5. Et comme on n'a pas eu de joueur en dessous de 4,5, on a proposé d'autres propositions. Donc pour le bon drôle, on a Leschouk avec 4%, suivi de Palois avec 14%, 17% pour tout talent, et pour tout talent, donc 65% des votes pour Sankaré, donc Sankaré élu homme du match en gros. Et ensuite, pour le bid, on proposait donc en dernier arrivé 12% avec le nombre de tirs cadrés, 20% pour le fumier sur la pelouse, 24% pour le pourcentage de passes réussies. Donc le bid de la soirée, c'est la restriction de DEP des ultramarines, puisque le comportement ayant été irréprochable, les ultras ont bien prouvé que tout le monde aurait pu y aller. D'ailleurs, comment toi tu as vu. Tu as vu les ultramarines. Après là je vais parler du point de vue supporter, c'est toujours appréciable de voir un parquage plein et enfin du moins là un parquage du moins où il y a des supporters, c'était pas le cas et c'est pas le cas souvent. Non, c'est vraiment ça, après ça donne de l'animation. On peut se répondre à savoir qui va chanter plus fort. Non, c'est vrai. Puis là, en plus, les ultramarines avaient fait de belles choses avec des sortes de confettis, voilà, des banderoles avec une liberté pour les ultras qui est bien passée. Non, mais c'est toujours appréciable. Puis ça donne de la vie et de l'ambiance à un stade. Hein. C'est mieux qu'un parquage vide. J'en ai vécu cette saison. C'est triste. Voilà, c'est pas intéressant. C'est pas vivant, quoi. Donc non, c'est toujours appréciable. Il faut quand ça lève, faut saluer. La persévérance des ultramarines qu'on pu assister à ce match, même en nombre limité. Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir s'il n'y a pas eu de débordement vis-à-vis entre supporters, s'il n'y a pas eu de débordement. Pas que je sache. Alors, avant le match, avant ou après match, j'ai pas entendu parler de ça. Il me semble pas, après je peux me tromper, hein, mais il me semble pas, en tout cas sur les réseaux sociaux ou les journaux, j'en ai pas vu. Donc. D'accord, parce qu'on nous avait parlé d'une arrivée assez musclée, quand même assez encadrée au niveau de la police pour éviter tout débordement. Non, donc, mais c'était encadré, oui, c'était musclé, alors, mais correct. Il y a eu des retours sur les réseaux sociaux hein, des ultras, que ce soit par l'intervenaire de Laurent Perpignan ou de Florian Brunet, qui disait que voilà, il y avait une présence de force de l'autre, mais au final tout s'était très très bien passé. Valait mieux de toute façon. Voilà, oui, mais bien, c'est évident, mais tout le monde s'est comporté de façon intelligente. Tu sais, tu peux aussi un petit peu faire en sorte que le supporter disjoncte. Il suffit que tu en aies 2-3 qui a un peu trop bu. C'est ça. Et les faire disjoncter. Il n'y a pas eu du tout d'intention de faire comme ça. Florian disait même, au final, en somme, ça a été un déplacement logique. Tranquille comme ils en vivent beaucoup et comme tous les déplacements devraient se passer. Donc ouais, c'est une victoire pour tout le monde, j'ai envie de dire, pour les ultras qui ont pu montrer que ben, ils savent se déplacer et qu'ils ont assez prouvé dans le passé qu'on pouvait leur faire confiance. Ils ont prouvé au préfet de Nantes voilà. Que voilà, ils savent. Et aussi à la préfecture de Nantes qui a pas joué au débile et qui a tout fait aussi pour que tout se passe bien. Il faut leur accorder ça aussi. Ça s'est fait dans les deux sens et je pense que. Alors ils l'ont peut-être pas fait de leur plein gré au départ, puisque comme on l'avait dit vendredi, ils se sont dit bon, vaut peut-être mieux qu'il y en a 300 qui déboulent, vaut peut-être mieux qu'ils soient dedans que dehors. Mais au final, ça s'est fait en bonne intelligence des deux côtés, donc voilà, il n'y a pas eu de problème. Et donc juste la petite question donc à la con qu'on a posée sur le match. On l'a posé parce qu'en ayant vu le débrief de Snakil sur que vous retrouvez sur YouTube, j'ai pensé à ça. Donc Snakil nous a donné une idée de question pour ce soir. Quel était l'élément indispensable pour suivre la rencontre ce soir? Donc à 6%, vous avez voté un café pour rester éveillé. À 16%, un sextoy pour avoir du plaisir. À 28%, un oreiller pour bien pouvoir dormir. Et à 50%, vous avez voté que pour suivre ce match, il fallait un pote pour l'apéro. Voilà, moi j'étais en plein repas, ça m'a allé. Bien, bon. Messieurs, on va conclure là-dessus. Clément, avant de se quitter, est-ce que tu as une conclusion à apporter sur ce match-là? Un truc qu'on n'aurait pas dit qui t'a plu, pas plu Non, mais non, pour résumer, un match, nul sur le terrain, mais on va dire que au niveau de l'ambiance avec les ultramarines, voilà, ça redorait un peu le blason et voilà. C'est un match plutôt une ambiance qui on aimerait sera suivi de plein d'autres matchs comme ça avec des parkages pleins et puis parce que c'est ça le football quoi. Voilà. En espérant, même si malheureusement il y a de fortes chances que la tribune noire soit peut-être fermée pour parce que là 3 matchs c'est quasiment fin de saison. Je sais pas combien de matchs Nantes doit recevoir encore. Il nous en reste 2. Ouais voilà. Il nous en reste 2 à la Beaujoire et il reste Lorient et Guingamp. Donc quoi qu'il en soit, si jamais il s'est avéré que le sursis soit levé et donc du coup qu'il soit mis en place. Dans deux semaines, et ben voilà donc déjà il y aurait pas de tribune noire jusqu'à la fin de la saison et le premier match lors de la saison prochaine. Parfait, bah écoute, merci beaucoup Clément d'avoir été avec nous pour l'avant-match vendredi et puis ce soir. Merci beaucoup. On va te souhaiter une bonne continuation. Bonne fin de saison. Parce que d'après ce qu'on a compris, t'es dans la tribune. Dans la mauvaise tribune, on va dire. Bon, normalement, faut toujours s'arranger. Avec une carte de presse, ça passe. D'ailleurs, ouais, question bête. Tu as ta carte de presse, donc tu vas au stade. Bien d'accord. Ah non, j'ai pas ma carte de presse. Ah merde. Va falloir demander un collègue. Va falloir gratter un collègue. Merci beaucoup Clément. Bonne fin de saison à toi. Avec le FC Nantes. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonne fin de saison à vous. Ciao. À bientôt. Ciao. Messieurs, on va continuer. Alors juste avant, je voudrais vous poser deux questions parce que je viens voir le résumé. Il y a quand même moi deux choses qui m'ont marqué dont on n'a pas parlé. La première, c'est trois choses même. Parce qu'on a élu le banderole, le machin, le truc. Pour ma part, de ce que j'en ai vu, grosse prestation défensive. Oui, Palois, Levchouk, impeccable. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui est ressorti des notes. Tout l'allant, sans carré. On n'a pas parlé aussi de la blessure de Contento. Entorse de la cheville. Alors, ça peut être 10 jours, comme ça peut être. On n'a pas parlé aussi, on va en parler en deuxième heure, de Gaïdj qui a été placé à arrière gauche à la place de Pelnar. Et moi, il y a un truc quand même qui a marqué un petit peu tous ceux qui ont vu le match. Jocelyn Gourvennec est quand même quelqu'un de relativement calme sur un banc de touche, posé, serein, même en conférence de presse. C'est pas un mec qui pète une pile, qui s'emballe, qui machin. Le cri de rage ou de libération ou de colère qu'il pousse à la fin du match, est-ce que ça démontre pas aussi que ce match était d'une importance capitale? C'est peut-être le match le plus dur. Ah, un auditeur. Oui. Le match le plus dur de la série jusqu'à la fin de l'année. C'est le meilleur adversaire que tu rencontres. Après, tu rencontres qui? Marseille, c'est pas fort. Non, mais c'est pas ça. C'est que Marseille, tu les joues à domicile. Oui, oui. Et j'aimerais dire, Marseille-Saint-Etienne, c'est des confrontations directes. Marseille-Saint-Etienne, c'est des matchs sur lesquels tu n'auras, j'ai envie de dire, plus rien à. Enfin, ouais, ça sera déjà fait, ça sera voilà. Ça, mais c'est, l'enjeu sera là. Donc Saint-Etienne, déjà, il risque de, avec le résultat, dire attention, Saint-Etienne a un match en points, un moins, mais et en gagnant, pour être à 4 ou 3 points. Mais bon, bref, il joue à Monaco. Et il doit jouer Paris, je crois encore. Monaco. Et en plus, il joue Paris. Bon, Saint-Etienne, c'est quasiment éliminé. Mais Marseille, quand tu vas les jouer, tu joueras comme une finale. Donc la motivation, etc., tu seras chez toi, c'est différent. Ce match-là, c'était le match piège par excellence. Ouais. Avec une double confrontation Marseille-Saint-Etienne. C'est-à-dire qu'avec un petit peu de chance, tu pouvais quasiment t'éloigner des deux. Bon, au final, t'étais au moins sûr de t'en éloigner de un. Il y avait tout. Il y avait tout. Il fallait pas le perdre. Et tu l'as gagné ce match-là. Oui, déjà, il suffisait juste déjà de pas le perdre. Et encore mieux, si tu le gagnais. Mais tu l'as... Non, mais il fallait le gagner. Il fallait le gagner. Et c'était 3 points. J'ai envie de dire, Nice, t'aurais dû les prendre dans le jeu. Tu les as pas pris. Ceux-là, même si le jeu était pas là, il fallait que tu les prennes. Et puis surtout, c'était une obligation. Et surtout, ton adversaire du soir, tu l'éloignes quasiment définitivement de potentiel. D'une pathétique accession à l'Europe, parce que s'il battait, il revenait à 4 points. Oui. On accueille avec nous quelqu'un qui était au stade, c'est Marcel. Bonsoir Marcel. Bonsoir les gars. Bonsoir. Comment bonsoir ça va Marcel? Ça peut aller. Un peu la voix cassée, mais bon. Ça s'est bien passé Ouais, je vous ai appelé justement pour ça, parce que je vous avoue que j'ai pas spécialement vu le match, donc je vais pas forcément me dans comme des, à chaque fois. Bah, quand je vais en parkage. Bon, cette fois-ci, on t'a pas vu. Bon, c'est pas le but, tant mieux qu'on m'ait pas vu. On était 250, si on avait été 800, on m'aurait pas vu, ça aurait été encore. Mine de rien, les 10 premières minutes, mon Rico, pendant que la BL faisait grève et ne chantait pas. Un peu entendu, Et même après, il y a eu des bonnes petites poussées, surtout après l'ouverture du score. 250, ça suffit à se faire entendre. Ouais, il y a eu des bons petits pics, ouais, avec le toit en plus en dessous pour. Ouais, en fait, mais à part ça, parce que je sais que vous allez faire la pause dans pas longtemps, donc je profite du créneau pour vous 8 minutes. Vu que je vais pas parler du match, au moins le sujet, il sera très, ça prendra pas beaucoup de temps. Le DEP, franchement, faut insister là-dessus, parce que des fois, franchement, il s'est super bien passé. Alors, on était forcément très encadré. Il y avait beaucoup de policiers, beaucoup trop même. Comment ça s'est passé au péage? Ils vous ont pris à Nantes ou direct au stade? On avait tous rendez-vous à une aire d'autoroute. Alors, pour nous, c'était pas pratique parce que c'était au sud de Nantes. Ah oui, donc vous, ça vous obligeait à redescendre pour remonter. Depuis Paris. Mais on avait tous rendez-vous. On avait rendez-vous tôt aussi. Ça, c'était chiant. Ça nous a fait partir très tôt, genre à 6h du mat, pour un match à 15h. Enfin bon. Du coup, on avait rendez-vous à cette aire d'autoroute à genre 2h avant le match, 2h30 même. Donc c'était franchement assez contraignant, mais bon, au final, ça s'est bien passé. Sur place, on a pu sortir du bus, ce qui n'était pas forcément gagné, parce que des fois, dans ces cas-là, quand les forces de l'ordre ont envie d'être un peu zélées, elles nous enferment dans les bus, elles font les check-up en mode agressif, là, t'as pu sortir, tu papotes avec eux, c'est bon, tu leur dis bonjour, c'est courtois. Non, mais en fait, j'ai pas compris. J'ai cru comprendre au début qu'ils étaient en mode agressif, mais au final, vu ce que non, tu non, ils n'étaient pas justement, ils auraient pu l'être, parce que des fois, ils le sont, on a déjà vécu des déplacements comme ça. Toulouse. Où ils t'arrêtent où à l'UDR, ils entrent dans les bus pour fouiller les bus. Tu te souviens du DEP qu'on avait fait avec Loïc, où on était à Toulouse, on n'avait pas pu sortir de la voiture, et voilà. Des fois, il y a des déplacements comme ça qui sont assez agressifs et qui se passent mal, notamment parce que la sécurité est abusive. Là, c'était cool. Et pareil au stade, ils étaient certes encore une fois très nombreux, parce que pour 250, je me suis pas amusé à les compter, les policiers, mais pour 250, il n'y a pas moyen, il n'y a pas obligation d'en avoir autant. Mais au final, non, nickel, c'est bon. Ils nous ont pas encerclés de manière abusive, il n'y a pas eu de fouilles. Outrancière. Ils m'ont même pas demandé de vider mes poches alors que j'avais un étui avec mes vraies lunettes. Alors que j'avais deux torches, trois. Non, mais j'avais un moment, il m'a fait la foule, je m'attendais à ce qu'il me dise vider vos poches parce que j'avais un étui avec mes lunettes de vue, vu que j'avais mes lunettes de soleil sur moi. Et même pas, donc nickel. Bon, au final, il y a quand même deux fumis qui ont été craqués. Deux petits pots de fumée. Deux petits pots de fumée bleue. C'est joli, il n'y a pas d'incident, ça blesse personne. Réellement, c'est deux pots de fumée ou c'est deux fumis? Parce que moi, pour moi. Les deux? Il y a eu les deux, ok, bon voilà. Ah, j'ai pas vu les torches, moi j'ai vu que les pots de fumée bleue. Moi aussi j'ai pas vu à la télé les torches. D'accord. Bah oui, nickel, bon déplacement, bonne petite ambiance, c'est bien. Malgré le fait qu'on ait été peu nombreux. Non mais c'est bien, ça a donné une bonne image aussi, avec ce qui s'est passé ce week-end, entre jeudi et dimanche. Bon. Quand les fumées restent dans les mains et sont pas envoyées sur la pelouse, pour moi ça rentre dans un cas d'un autre débat. Ça reste dans le cas d'un autre débat. Ça veut dire quand même que... Non mais franchement, voilà, c'est... On a donné une bonne image du public. Voilà, et la police a donné une bonne image d'elle-même. C'est cool que ça soit passé. Marc, est-ce que tu as le résultat sur Twitter? Parce que moi, j'arrive pas à l'avoir du sondage sur que retenez-vous du match. Ce n'est pas un sondage, ça, Seb. C'est une question. Ah, pardon. Ah, bah c'est pour ça que j'avais fait trop de... Alors, Seb, je vous explique. Twitter, pour moi, c'est la quatrième dimension juste à poser avec la planète Mars. Ouais, mais là, c'est juste logique que quand tu mets un sondage, tu mets des propositions. D'accord, ok. Ah, donc je peux l'effacer. Ok, non, mais je croyais qu'on avait un autre truc, donc non, bah c'est bon. Quoi d'autre aussi non, ça vient après. Oui, Rico, sur ce même site, bon, tu nous as dit que t'as pas vu le match, mais t'en as quand même vu un oui, petit bout. Oui, je peux commenter le résultat, je peux commenter. Oui, voilà, j'allais dire, t'as quand même suivi un petit peu. Je débarque pas de la lune. Vu de la télé, c'était quand même dégueulasse. Ouais, je me suis rendu compte aussi du parkage que c'était pas beau comme match. Ouais, voilà. Même t'as beau être dans les drapeaux, t'as beau être dans un coin et pas pouvoir voir le jeu en hauteur. Même si je suis en train de revoir le résumé, les principales. Enfin, de toute façon, non, t'as pas cadré. À part l'occasion de Pardo qui se présente seul, quasiment seul, qui dribble le gardien, bon, puis qui s'en met un peu. Il a pas tiré, donc il n'a pas cadré. Voilà. C'était très chaud à ce moment-là. Les seuls tirs cadrés sont bordelais, donc les occasions sont bordelaises. Bon, au final, c'est dégueulasse, mais au vu des. Si on se fie juste au résumé. Enfin, moi, le résumé que j'ai vu, le mec, il regarde le résumé, t'enlèves le but, tu lui dis qui c'est qui a gagné. Bah, il y a une équipe qui tire 5 fois, qui gagne 4 fois. Oui, c'est le résultat au final est logique. Ouais, on aurait pu ouvrir le score plus tôt, notamment sur la double action qu'on a sur le centre en retrait en fin de première mi-temps. Avec un très bon Dupé quand même. La seule action construite, mais elle est très bien construite. Et après, dans la foulée, t'as un corner, la bande place une tête et le gardien la claque. On aurait pu mener juste avant la mi-temps, mais on l'a pas fait. On a attendu un peu plus longtemps. C'est pas plus mal au final, parce qu'on a pris Nantes sur leur point fort à eux du moment, si j'ai bien compris. Parce que je vois pas Nantes, donc je peux pas trop en juger, mais Gourvenec, j'ai vu sa conférence et il nous disait Nantes, faudra faire gaffe au ballon qui traîne, et au final, c'est nous qui leur avons mis. Et puis alors, je suis en train de... Oui. On a pris Nantes au piège. Allez, ça va être mal pris, mais un peu comme le fait Angers, c'est que Angers, c'est solide, et quand il faut, ça ressort ça te crève bien les ballons. Sur un coup. D'ailleurs, comme ils ont fait chez nous. Un joueur qui me plaît à Angers, c'est Mangani, mais bon. Ouais. Mais depuis un peu, ils ont deux joueurs de fou. Et puis, comme disait tout à l'heure Thomas et Clément au téléphone, je suis en train de revoir le but bordelais. C'est non, exactement c'est ça. C'est-à-dire que le pauvre Touré, il est dans le rond central, il revient, et je fais, voilà, et là, hop, je fais un arrêt sur image. Autour de lui, il a 1, 2,